بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله جميعا. Aujourd'hui, le vendredi 6 ذو الحجة de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 16 juillet 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma de Sheikh al-Imam al-Allama Abdel Aziz ibn Baz, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. Mes frères, comme vous avez pu le constater, on est déjà le 6 de ce mois sacré. On est déjà le 6 de ce mois sacré. Il nous reste encore le 7 et le 8, le jour dans lequel démarre le pèlerinage, et le 9, qui est le jour de Arafat. Ce jour dont le jeûne permet, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'expiation de 2 ans de péché. Le jeûne d'une seule journée, le 9 du mois d'Ul-Hijja, qui correspond ici en Arabie Saoudite, qui correspond au lundi. Le jeûne d'une seule journée permet, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'expiation de 2 ans de péché. Et beaucoup de frères se posent la question, est-ce que je jeûne avec le pays dans lequel je réside, ou je jeûne avec le pays dans lequel se déroulent les rites du pèlerinage qui sont liés à ce jour Arafat? Ce que je conseille à mes frères, c'est de jeûner avec le pays dans lequel se déroulent les rites du pèlerinage. Car le jour de Arafat, c'est un jour partout sur terre. C'est un jour partout sur terre. Donc, c'est ça qui est recommandé. Et ça, c'est pas comme le pèlerinage. C'est pas comme le jeûne de Ramadan. Le jeûne de Ramadan, chaque yani pays, selon sa détermination basée sur l'observation de la lune, il détermine le début et la fin de Ramadan. Et en plus, le jeûne de Arafat, c'est un jeûne surrogatoire. Contrairement au jeûne de Ramadan, qui est un jeûne obligatoire, tout le monde jeûne. Donc ici, ça se voit pas si la personne a le jeûne avec son pays ou avec un autre pays, notamment le pays dans lequel se déroulent les rites du pèlerinage. Car le jour de Arafat, c'est un jour dans l'année. C'est pour ça ce qui est recommandé, c'est cela. Mais pour celui qui peut jeûner, supposons que tu es dans un pays où le jour de Arafat, c'est un jour plus tard par rapport à l'Arabie Saoudite. Tu jeûnes le lundi et le mardi, il n'y a pas de mal. Comme l'Eid, ça sera le mercredi. Donc il n'y a pas de mal à jeûner le lundi et le mardi. De toute façon, c'est recommandé de jeûner un maximum pendant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et l'Eid, c'est le jour où les gens font l'Eid dans le pays où t'es. Donc les choses apparentes, on est tenu de rester avec le pays dans lequel on est, et les jours que chacun pratique individuellement, on essaie d'être avec yani la position la plus proche de la vérité, et ça ne crée pas de fitna ni de trouble de cette manière. Wallahu a'lam. Donc on est le 6 et il ne reste que très peu de jours, mais l'occasion est toujours yani de profiter, de saisir l'occasion, c'est toujours possible pour nous. Et tu sais pas par quelle bonne action Allah te sauvera du châtiment du feu de l'enfer. On ne sait pas par quelle hasana on sera sauvé. Comme on ne sait pas par quelle sayya on peut être châtié. C'est pour ça le croyant ne minimise rien du mal, comme il néglige rien du bien. Il saisit toute opportunité. Il saisit toute opportunité du moment que c'est possible pour lui. Yani, remplissez votre temps avec les adorations, avec tawba, avec takbir, wa tahlil, wa tahmid, avec la récitation du Coran, la demande de science et les différentes adorations, sadaqa, multipliez toutes les bonnes œuvres, car par Allah on est dans les meilleurs jours de l'année, comme le Nabi alayhi salam l'a dit. Et celui qui veut passer l'Eid et profiter de l'Eid, il doit fournir des efforts pendant ces jours-là. Et c'est lui qui aura un vrai Eid. Mais en général, ceux qui sont dans ces jours-là, comme dans le reste de l'année, ils ne profitent pas de la journée de l'Eid. Et ça passe chez eux comme n'importe quelle autre journée. Et ça, c'est à cause de la négligence dans les adorations. Si tu fais des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ces jours, tu vivras une journée de l'Eid exceptionnelle, comme la vivaient les compagnons radiyallahu anhum. Donc, mes frères, on a parlé dans les cours précédents des deux degrés de la religion de l'islam. Le degré de l'islam, dont les piliers sont au nombre de 5, et le degré de l'iman, dont les piliers sont au nombre de 6. Et on a vu, yani quand on a parlé de l'islam, l'iman et l'ihsan. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ihsan, la bienfaisance. Ces trois termes, l'iman, l'islam et l'ihsan, quand ils sont cités dans des contextes différents, ils sont des synonymes. L'islam, c'est la même chose que l'iman, c'est la même chose que l'ihsan. Mais quand ils sont cités dans un même contexte, comme ce que nous étudions maintenant, nous étudions les trois. Donc, ils auront chacun un sens propre à lui. Ils ont un sens commun. Quand on dit que ce sont des synonymes, ils ont un sens global qui va englober les trois sens quand ils sont cités ensemble. Quand ils sont cités ensemble, chaque terme va prendre une partie du sens. Donc, l'islam, ça sera réservé aux actes apparents. C'est pour ça les piliers de l'islam sont shahadatan, les deux attestations de foi, as-salat, as-zakat, as-siyam, al-hajj. Tout ça, c'est des adorations apparentes. L'iman, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. Donc tout ça, ces six piliers sont des piliers, yani des adorations de l'intérieur, des adorations de l'intérieur, des adorations, yani des convictions et des croyances avec le cœur. L'islam sera réservé à l'apparence. Et l'iman sera réservé à ce qui est dans le cœur, à ce qui est caché. Et l'ihsan, c'est la perfection et l'excellence dans les deux degrés. Mais quand on dit l'islam tout seul, ça va englober les adorations de l'apparence, les adorations du cœur et la perfection et l'excellence dans ces adorations. Quand on dit l'iman tout seul, ça va avoir le même sens. L'ihsan tout seul, ça va avoir également le même sens. Mais quand ils sont cités ensemble, chacun va prendre une partie du sens. Et ça, c'est une règle qui s'applique à beaucoup de termes religieux, notamment ces trois-là. Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, a dit Al-Ihsan, Ad-Dars al-Khamis, Al-Ihsan, la cinquième leçon, Al-Ihsan, la bienfaisance. Ruknu al-Ihsani, wa huwa an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Donc il a dit l'Ihsan, il l'a défini par son degré, par son pilier. Comme le Nabi alayhi salam l'a défini dans hadith Jibril. Hadith Jibril que vous connaissez, le Nabi alayhi salam était assis avec ses compagnons dans la mosquée et un homme est venu qu'il ne connaissait pas, qui était bien habillé en blanc, il avait une barbe noire, signe de sa jeunesse et ses vêtements étaient propres, chose qui était étonnante pour les compagnons. Un homme qu'on ne connaît pas et qui vient avec des vêtements propres, yani c'est étonnant pour eux à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui, il a fait le voyage en avion. À l'époque, il a traversé les déserts et la poussière. Comment il est arrivé propre? C'est quelqu'un qu'il ne connaissait pas. C'est pas de la même ville. Il vient de l'extérieur, c'est un voyageur. Et pourtant, il vient dans cet état-là. Et c'était encore plus étonnant pour les compagnons quand il s'est assis devant le prophète alayhi salatu wassalam avec une assise de adab et de politesse qui donne des leçons pour tout demandeur de science avec son cheikh. Il s'est assis devant le prophète alayhi salatu wassalam dans un respect parfait et il a mis ses mains sur ses jambes ou sur les jambes du prophète alayhi salatu wassalam. Deux compréhensions. Et les deux représentent un adab. Et ensuite, il a adressé des questions au prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a interrogé sur l'islam. Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit l'islam, c'est d'attester et de témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat, de jeûner Ramadan, et de faire le pèlerinage vers la maison sacrée d'Allah pour celui qui en a la capacité. Jibril alayhi salam lui dit, sadaqt. Yani, t'as dit vrai. Et ça, c'était étonnant pour les compagnons. Car quelqu'un qui demande et qui pose une question, c'est qu'il ne sait pas. Et ça, c'est la règle de base. Tu ne dois pas poser de questions que pour apprendre. Et non pas pour tester les gens. Et vérifier des choses chez eux. Ça, c'est des maladies qui sont propagées à notre époque, desquelles il faut s'écarter. T'adresses une question à une personne quand t'as pas de science par rapport à ce point et tu veux apprendre. Ça, c'est la bonne intention. Il peut te dire, oui, Jibril alayhi salam, il pose la question, il connaît les réponses. La preuve, il dit sadaqt. Naam. Ça, c'est une deuxième intention pour poser une question. Un étudiant qui connaît une réponse d'une question, mais il sait que ses collègues ne connaissent pas. Et il veut leur renseigner cette chose de la bouche de l'homme de science, il lui pose la question pour qu'il donne la réponse et qu'il profite. Ça, c'est une bonne intention également. Mais les intentions des cœurs malades à poser des questions juste pour tester les gens, au point où ça devient une préoccupation pour des gens, ils n'ont que cette préoccupation. Yani, ils ne posent jamais de questions que dans ce sens-là. Et ça, c'est des maladies desquelles doit s'éloigner Salafi. Tu ne dois pas fuir derrière les gens et creuser et se comporter avec eux selon ce qu'ils te montrent dans l'apparence et te contenter de leur apparence. Il y a des domaines dans lesquels on ne se contente pas de l'apparence. L'apparence n'est pas suffisante quand tu veux prendre la science chez quelqu'un. L'apparence n'est pas suffisante quand tu veux marier ta fille. C'est une responsabilité. Quand tu veux marier ta sœur, ta fille, ou même si c'est pas ta fille, ta sœur, c'est une sœur en Allah subhanahu wa ta'ala, dont tu es le tuteur. C'est une lourde responsabilité. Tu dois pas te contenter de l'apparence du frère et lui marier la fille, et après elle subit des choses graves. Pourquoi ? À cause de cette négligence de cet homme qui est son tuteur. Également, quand tu veux faire une affaire de commerce avec une personne, tu ne dois pas te contenter de son apparence. C'est un frère qui a la barbe, mashallah, tu lui donnes 50 000 euros, tu ne les vois plus. Et après, les personnes, ils viennent, yani, ils viennent yani, raconter leurs problèmes, tout ça, là qu'il y avait des choses à faire auparavant. Yani, nous, dans notre religion, on a la science avant l'acte et la parole. Et quand tu respectes pas la religion, ne t'en veux qu'à toi-même. Tu subis les mauvaises conséquences de tes actes. Et pour se renseigner sur une personne, on demande aux étudiants qui la connaissent, on demande aux chouyours chez lesquels elle a appris. Et c'est comme ça qu'on obtient des informations sur des gens desquels on veut apprendre la science. Des chouyours qui les fréquentent, des étudiants qui les connaissent, et ainsi de suite. Qui sont connus pour nous déjà, qui sont salafiyins. Tayyib. Ensuite, Jibril alayhi salam a posé la question sur l'iman. Est-ce que je vous recommande, mes frères, c'est de retenir ces termes en arabe et de ne les utiliser qu'en arabe. Al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Les termes importants qui reviennent souvent dans ta religion, tu dois les apprendre en arabe et les utiliser qu'en arabe. Al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. C'est très simple pour qui Allah l'a simplifié et l'a facilité. Comme salat, zakat, tout ça, tu dois le connaître en arabe. Yani, il n'y a pas besoin à chaque fois, toutes ces choses-là, il faut les traduire. Et ça, c'est un conseil que je donne également à mes frères qui donnent des cours, c'est de ne pas tout traduire à la lettre. Yani, traduction même de sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi, wallahu a'lam, c'est de l'exagération. Il y a des choses que tu peux traduire dans le début de tes cours et ensuite tu traduis plus. Tu les utilises en arabe pour aider tes frères et tes sœurs à parler la langue arabe. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas que tu achètes des livres de Boulour al-Maram en français. Ya ikhwa, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces livres? Est-ce qu'on veut arriver? Vous savez que étudier Boulour al-Maram et le mémoriser et l'étudier avec les hommes de science, ça c'est une des dernières étapes dans la demande de science du hadith pour un étudiant arabophone. Pour nous, c'est un des plus hauts degrés. Tu arrives à Boulour al-Maram, comme il dit Cheikh Ibn Baz, yani, ça, t'es arrivé yani, à l'étape finale dans la demande de science chez les savants. Après, tu peux lire directement dans les livres. Parce que tu as acquis les bases et tu es devenu un étudiant confirmé. Nous, on veut former des gens qui arrivent à ce niveau-là en français. Des tullab ilm en français. Ça, c'est pas, yani, c'est quelque chose, personnellement, j'arrive pas à comprendre. Les cours en français sont faits pour enseigner les bases de la religion. Notamment l'aqida, les choses dont on a besoin dans le fiqh, des quatre piliers de l'islam après les deux attestations de foi, naam, d'une manière très simplifiée, qui permet à celui qui est nouveau dans l'islam, ou qui est nouveau dans l'apprentissage, qui lui permet de pratiquer ses adorations avec science. Et il n'y a pas besoin de rentrer dans des divergences et dans des... Ça, yani, une fois que tu as acquis ces bases, tu dois te consacrer à 100% à l'apprentissage de la langue arabe. Et comme on a vu précédemment, dans nos pays du Maghreb, on ne commence la demande de science qu'après avoir mémorisé le Coran. Donc, une fois que tu as acquis les bases de l'aqida, comment faire ta salat, comment zakat et les choses comme ça dont tu as besoin quotidiennement, tu dois te consacrer totalement à l'apprentissage de la langue arabe. Ça doit être ton objectif principal dans ta vie. C'est pas toléré que t'aies 10 ans dans l'islam et tu sais pas parler arabe. C'est pas toléré du tout. Il y a besoin de 2 ans maximum pour maîtriser la langue arabe. Quand je dis maîtriser, une maîtrise qui te permet de comprendre les paroles des savants, de lire dans les livres, ainsi de suite. Amma, l'apprentissage de la langue arabe, c'est un domaine qui n'a pas, c'est interminable. J'apprends encore la langue arabe et j'étudie avec mes chouyours la langue arabe encore aujourd'hui et j'espère continuer à le faire tant que cela est possible pour moi. Et ne jamais m'arrêter parce que je suis arrivé à un niveau où je peux arrêter d'apprendre la langue arabe. En sachant que je suis un arabophone de naissance et que j'ai commencé à apprendre la langue arabe, alhamdulillah, avec ma mère très jeune, qu'Allah la récompense en bien. Te consacrer totalement à la langue arabe, si ce n'est les révisions de tes cours de tawhid ou yani, des cours dont tu as besoin de le faire, des révisions, mais que ton apprentissage principal soit consacré à la langue arabe. Et la meilleure méthode pour apprendre la langue arabe, c'est de mémoriser le Coran. Mémoriser le Coran, quand tu n'es pas arabophone, mémorise un seul verset par jour. Un seul verset par jour, c'est immense. Et prends note des différents mots dans ce verset et cherche à les comprendre en langue arabe. Qu'est-ce que ça signifie ces mots? Et retiens-les. Si tu fais ça, je peux te garantir qu'en 3 mois maximum, tu sauras parler la langue arabe et tu auras mémorisé yani, une centaine de versets. Yani, la meilleure chose qui puisse t'aider dans l'apprentissage de la langue arabe, c'est de mémoriser le Coran. Et après mémoriser le Coran, c'est chacun selon ses capacités, ses potentiels. Mémorise un seul verset par jour. Et si tu peux pas, mémorise la moitié d'un verset. Mémorise un verset tous les 2 jours. Et prends note des mots dans le verset et de leur signification en langue arabe et t'avances comme ça. Parce que dans la langue arabe, il y a 2 côtés. Il y a l'apprentissage de la théorie, la grammaire, la conjugaison, les choses comme ça. Nahw sarf. Et il y a l'apprentissage du vocabulaire. Ça, c'est très important aussi. Donc, avec le Coran, la parole d'Allah, la parole arabe la plus éloquente. Tu retiens un verset par jour, c'est une immense ni'ma pour toi, ça va t'aider dans ton apprentissage. Ensuite, Jibril alayhi salam a interrogé notre prophète alayhi salatu wassalam au sujet de l'ihsan. Il lui a dit, l'ihsan, c'est d'adorer Allah. L'ihsan, c'est la bienfaisance et l'excellence et le perfectionnement. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc il lui a dit l'ihsan c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Donc l'ihsan d'adorer Allah comme si on le voit. Et ça, c'est le pilier de l'ihsan. C'est d'adorer Allah comme si on le voyait. Et si on ne le voit pas, lui, il nous voit. Avec certitude. Ça, c'est le pilier de l'ihsan, comme a dit Cheikh Ibn Baz. Et l'ihsan, il a un seul pilier, mais il a deux degrés. Le premier degré, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire, t'adore Allah comme si tu le vois réellement. Et ce que tu vois, ce sont ses signes. Tu vois ses signes et ses attributs à travers ses signes lisibles et ses signes visibles. Les signes lisibles d'Allah, ce sont les versets de le Coran. Et les signes visibles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont sa création, ses créatures, les cieux, les terres, le soleil, la lune, les astres, les galaxies et l'univers et ainsi de suite. Le monde des animaux, le monde des humains, le monde de l'djinn, tout ça, ce sont les créatures d'Allah, ce sont ses signes visibles qu'on voit. Et il y a aussi, yani le djinn, bien évidemment, on ne le voit pas. Il fait partie du monde invisible. On ne le voit pas, mais on peut le voir quand il se manifeste sous une apparence. On voit cette manifestation. Mais tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, on ne le voit pas, comme Allah nous l'a dit explicitement dans le Coran. « Innahu yarakum huwa wa qabiluhu » من حيث لا ترونهم. Il vous voit, lui, c'est-à-dire Iblis ou le djinn de manière générale, il vous voit, lui, ainsi que les siens, de là où vous ne les voyez pas. C'est-à-dire, eux, ils nous voient et nous, on ne les voit pas. Mais tu peux sentir leur présence. Et quand ils sont dans un corps d'un être humain, ils peuvent parler. Et c'est eux qui parlent, et l'être humain, il sait que c'est pas lui qui parle, mais ça parle en lui. Taïb, donc, adorer Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire, t'arrives à un degré, et ça c'est le degré de l'ihsan le plus élevé. Et ça c'est le degré le plus élevé de la religion de l'islam. Car le degré le plus élevé de la religion de l'islam, de ces trois degrés, c'est l'ihsan. Et dans l'ihsan, le niveau le plus élevé, c'est d'arriver à adorer Allah comme si tu le voyais. Tellement tu médites sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement tu médites les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, tu médites sa parole, t'arrives à adorer Allah comme si tu le voyais, tout en sachant que personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya avec ses yeux. Mais c'est une vision scientifique, comme je l'ai expliqué. La vision de ces signes lisibles et visibles. Tara ayatihi al-mar'iyya wa ayatihi al-matluwa. Mais dans cette dunya, personne ne verra Allah, comme a dit le Nabi alayhi salam. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à mourir. Une vue réelle n'arrivera à personne sur cette terre jusqu'à l'autre monde, où Allah donnera à ses serviteurs la capacité de le voir réellement. Et même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit de l'ascension, il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons qui ont dit qu'il ne l'a pas vu, tels que Aïcha radiallahu anha et d'autres, et ceux qui ont dit qu'il l'a vu, comme Abdullah ibn Abbas, et peut-être il est le seul, wallahu alam. Il dit, dans certains hadiths et dans certaines de ses paroles, il dit que le prophète alayhi sallam a vu Allah. Et dans d'autres, il dit qu'il l'a vu avec son cœur. Ra'ahu bi fu'adihi. C'est-à-dire une vision scientifique. Et non pas une vue avec les yeux de la tête. Donc, même par rapport à ce point, il n'y a pas de divergence entre les compagnons en réalité. Comme l'a démontré Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc ce degré-là, le degré de l'ihsan, c'est le degré le plus élevé de la religion et le plus méritoire. La religion est de trois degrés, l'ihsan, l'iman, l'islam. Et si vous voulez les représenter, c'est comme l'ihsan, vous allez faire un premier cercle, un petit cercle. Ça c'est l'islam. Afwan, l'inverse, vous allez faire un grand cercle. Ça c'est l'islam. Et à l'intérieur de ce cercle, vous allez faire un cercle plus petit, plus restreint. C'est l'Iman. Et à l'intérieur de l'Iman, vous allez faire un cercle encore plus petit qui est l'Ihsan. Donc toute personne qui entre dans l'islam entre dans le grand cercle. Mais c'est pas parce qu'elle est entrée dans le grand cercle qu'elle est arrivée au cercle plus petit de l'Iman. Il y en a qui sont encore dans le grand cercle, qui est le cercle de l'Islam. Et ils vont continuer à faire des efforts dans le sentier d'Allah, dans la religion de l'Islam, dans les adorations, dans l'apprentissage, jusqu'à ce qu'ils arrivent au cercle de l'Iman. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au cercle de l'Ihsan. Donc toute personne qui est dans le cercle de l'Ihsan, forcément, elle est aussi dans le cercle de l'Iman et elle est aussi dans le cercle de l'Islam. Mais pas toute personne qui est dans le cercle de l'Islam est arrivée dans le cercle de l'Iman et encore moins dans le cercle de l'Ihsan. Et le cercle de l'Ihsan, c'est le plus petit, c'est le plus restreint. Ceux qui arrivent à ce degré, c'est une minorité dans cette communauté. Ça, c'est une façon de comprendre la relation qu'il y a entre les trois degrés. Entre les trois degrés. C'est pour ça les savants, ils disent, chaque muhsin, chaque bienfaiteur est forcément un croyant, est forcément un muslim. Pour ne pas dire musulman. Parce que pour moi, musulman, ça n'a pas de sens. Muslim, ça veut dire soumis. Ça a un sens. Soumis à Allah. Mais pas l'inverse. Mais pas l'inverse comme je vous l'ai expliqué avec ces trois cercles. Mais il y a une chose très importante qu'il faut savoir. Chaque musulman, il a un minimum de l'ihsan et un minimum de l'iman. C'est pas possible qu'il y ait un musulman qui n'a pas le minimum qui valide sa foi de l'Iman et de l'Ihsan. Chaque muslim a un minimum de l'Iman et un minimum de l'Ihsan. Et chaque mu'min a forcément un minimum de l'Ihsan qui valide son degré, qui valide sa religion de l'Islam. Ça, on va le comprendre et je vais revenir dessus. C'est un point très très important. Je vais revenir dessus après avoir expliqué ce que c'est l'ihsan. Donc l'ihsan, linguistiquement parlant, ça signifie l'excellence et le perfectionnement dans les actes d'adoration. Linguistiquement, c'est l'excellence et le perfectionnement. et dans le sens religieux, c'est l'excellence et le perfectionnement dans les adorations. Que ce soit les adorations de l'apparence et des membres, ou les adorations du cœur et de l'intérieur. Et le serviteur, il ne cesse de faire des efforts dans sa religion, yani en cherchant à perfectionner ses adorations et pour qu'elles soient au maximum de la sincérité et au maximum du suivi du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il arrive à ce degré de l'ihsan et du perfectionnement dans les adorations, tout en se rappelant la proximité de son Seigneur et que son Seigneur le voit, al-muraqaba, la surveillance, que son Seigneur le voit et le surveille, qui est le vigilant par excellence, subhanahu wa ta'ala, et qu'il se rappelle de cela dans toutes ses adorations. Dans toutes ses adorations, il a cette sincérité et il veille sur le maximum de l'ikhlas. Vous savez que l'ikhlas, il y a un minimum, mais après le maximum de l'ikhlas, ça varie d'une personne à une autre. Il y a quelqu'un qui peut sortir pour faire le combat dans le sentier d'Allah en voulant que la parole d'Allah soit la plus haute. Donc ça, c'est l'ikhlas, mais en voulant aussi le butin. Donc celui-là, il n'a pas la même sincérité que celui qui sort uniquement pour faire triompher la religion d'Allah. Et il ne vise aucunement le butin. Et ainsi de suite. Ça, c'est à titre d'exemple, pour vous montrer que la sincérité varie d'une personne à une autre. Quand elle vérifie le minimum de la sincérité qui est d'œuvrer pour Allah, après, une personne, elle peut avoir beaucoup plus d'intention qu'une autre. Et ainsi de suite. Et donc, ce serviteur qui est dans l'ihsan, il est dans ce rappel de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il le surveille, et qu'il voit tout ce qu'il dit, et tout ce qu'il fait, et il voit même ce qu'il cache dans sa poitrine, dans son cœur. Et ainsi, il est sans cesse dans le perfectionnement, et l'amélioration, et l'excellence dans toutes ses adorations. Et ça ne peut être possible qu'avec l'ilm. C'est pour ça, toujours, on revient à l'importance de la science. Car tout ça ne s'obtient qu'avec l'ilm. Plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu apprends ta aqida, plus tu seras sincère pour lui, et plus tu connaîtras la sunna du prophète alayhi salam, plus tu pourras la suivre. Jusqu'à arriver à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme si tu le voyais. Tu vois sa grandeur et sa majesté. Tu vois sa somptuosité et sa magnificence. Et également, tout en sachant qu'il te voit partout que tu sois, même si tu es chez toi, entre quatre murs, Allah, il te voit. Et rien lui échappe de ce que tu dis ou ce que tu fais, même de ce que tu caches dans ton cœur. Et ainsi le serviteur, il arrive à ce qu'on appelle al-ma'iyya al-khassa. Allah est avec lui d'une manière particulière, c'est-à-dire avec son soutien et avec son aide. Et avec sa guidée, il le guide, il l'oriente vers son bien. Et il l'éloigne de ce qui est mal pour lui. Comme Allah Azza wa Jalla dit, inna Allah ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaiteurs. Allah Azza wa Jalla dit, inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Aussi, ce serviteur qui arrive à ce degré de l'ihsan, il gagne l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah dit, dans le sens, certes, Allah aime les bienfaiteurs. Et dans l'autre verset, wa inna Allah la ma'al muhsinin, certes Allah est avec. C'est ça le ma'iyya al-khassa. Il est avec eux d'une manière particulière, pas comme il est avec le reste de sa création, de ses créatures. Allah, il est avec toutes ses créatures, une ma'iyya amma. Il les voit, il les surveille. Il est avec eux avec sa science et sa vigilance, subhanahu wa ta'ala. Mais il est avec ses alliés, avec son soutien et son aide. Il les fait triompher sur leurs ennemis. Il les guide, il les oriente vers ce qui est meilleur pour eux dans le dunya et dans l'akhira. Et ce serviteur qui arrive à ce degré, il adore Allah comme s'il le voit. Également, Allah lui a promis la plus grande des rétributions et des récompenses. Il a dit « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ » Pour ceux qui ont fait le bien, Allah a promis la plus belle récompense et plus encore. La plus belle récompense et plus encore. La plus belle récompense, c'est le paradis. Et plus encore, c'est la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous permette de le voir et que ce soit une ni'ma, un bienfait pour nous, et qu'Allah ne nous prive pas de le voir dans le paradis, car c'est la plus grande ni'ma qu'Allah accorde aux gens du paradis. Cette ni'ma de voir Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande que toutes les autres ni'am du paradis. Et Allah, il les rétribue, ses bienfaiteurs, ses bienfaisants, il les rétribue de la meilleure des façons. Hal jaza'u l'ihsan illa l'ihsan? Est-il autre récompense pour la bienfaisance que la bienfaisance? Donc tout ça, c'est ce qui a été promis à ceux qui ont adoré Allah avec ce degré de l'ihsan. Le degré de l'ihsan comporte deux niveaux. Le niveau le plus élevé, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Et celui qui ne peut pas arriver à ce degré, adorer Allah comme s'il le voit, alors qu'il adore Allah en sachant qu'il le voit. Et ça, c'est un degré obligatoire. T'adores Allah en sachant qu'il te voit. Allah, il te voit partout où que tu sois. C'est-à-dire, tu vas l'adorer avec la peur et la crainte. Et tous les musulmans sont concernés par ce degré-là. Contrairement au degré de l'mushahada, t'adores Allah en sachant qu'il t'observe. L'adorer, on l'observe comme si on l'observait, comme si on le voyait, subhanahu wa ta'ala. Le degré de l'mushahada, c'est-à-dire l'adorer avec l'amour et l'espoir et le désir de ce qu'il y a auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Comme l'adoraient les prophètes, alayhi salatu wa salam, et les véridiques, et les vertueux, et les martyrs. L'adoration de l'mushahada. C'est-à-dire ce qui va, yani, être le motif et faire bouger le serviteur vers l'adoration, et qui va l'animer pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va l'adorer avec plus d'amour, tout en sachant que tout mouahid adore Allah avec les trois piliers de l'adoration. L'amour, l'espoir, la crainte. Mais celui-là, il va arriver à un degré très élevé de l'amour. Comme s'il voyait Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il connaît ses signes lisibles et ses signes visibles, il les voit, il observe la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses créatures, il arrive à ce degré très élevé dans l'amour et il adore Allah comme s'il le voyait, tout en sachant qu'il remplit les autres conditions et les deux autres piliers de chaque adoration, qui sont la crainte, pas comme disent les soufis égarés, il adore Allah uniquement avec l'amour. Non. Même les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits qu'ils adoraient Allah avec l'espoir et la crainte. avec les deux. Et le muwahhid, c'est celui qui réunit les trois. Il adore Allah avec l'amour, l'espoir et la crainte. L'espoir, c'est la tête, comme a dit l'imam Al-Qayyim. C'est comme la tête d'un oiseau. Et l'espoir et la crainte, c'est comme ces deux ailes. S'il y a une lacune dans une des deux ailes, t'arriveras pas. Et tu seras handicapé. Et s'il n'y a pas l'amour, c'est comme s'il n'y avait pas la tête. Il n'y a rien. Donc ça, c'est le degré le plus élevé, le degré de l'mushahada. Le degré inférieur, ceux qui n'arrivent pas à ce grand amour basé sur la science et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont adorer Allah avec plus de peur et de crainte, tout en sachant qu'ils ont yani, un minimum d'amour. Il n'y a pas de muwahhid qui n'a pas d'amour. Comme il n'y a pas de muwahhid qui n'a pas de crainte ni d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chez les gens de cette catégorie, il va y avoir plus de crainte et de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, ils vont adorer Allah en sachant qu'il les surveille. Ils vont avoir peur de lui. Ils vont faire attention. Et leur cœur sera rempli de peur et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, il y a beaucoup de frères qui souffrent d'une peur qui les handicape dans leur adoration. Il faut savoir que cette peur, elle vient de Shaitan. Car la peur aimée par Allah, qui est une adoration, c'est une peur qui ne t'handicape pas dans les adorations. Qui ne t'empêche pas de vivre et d'adorer Allah. Ça, c'est une peur de Shaitan qu'il jette dans ton cœur. La peur qu'Allah aime, c'est une peur qui va te stopper et t'empêcher de transgresser ses limites. Ça s'arrête là. Comme a dit Cheikh Islam Taymiyyah. C'est ça la peur louée. C'est que tu vas te rappeler la grandeur et la majesté d'Allah et son châtiment et ainsi tu ne vas pas tomber dans le péché. Amma que ça devient une maladie, t'arrives pas à bouger de ton lit, t'arrives pas... Ça, c'est pas une peur louée. Également, l'amour loué, c'est un amour qui sera un moteur pour toi dans l'adoration. Qui va t'animer et te donner yani, plus de motivation et d'envie d'adorer Allah. Et qui va renforcer ta volonté d'adorer Allah. Amma un amour soi-disant qui fait que yani, tu tombes dans les péchés et tu transgresses les limites sous prétexte que t'aimes Allah et qu'Allah est pardonneur, ça ce sont des leurres de Shaitan et non pas le vrai amour. Le vrai amour implique l'obéissance. Si, yani je vous donne un exemple par rapport aux créatures qui vous aidera à comprendre vis-à-vis du créateur. Yani, si tu dis à une femme que tu l'aimes et qu'elle est la femme la plus importante dans ta vie et à chaque fois elle te demande une chose tu lui refuses yani les choses autorisées bien évidemment tu lui refuses elle va te dire que t'es un menteur que c'est pas vrai si tu m'aimais t'aurais fait de ton maximum pour répondre à mes demandes qui sont autorisées. Donc celui qui aime Allah réellement et sincèrement et véridiquement, il lui obéit. Lakin, il peut avoir une faiblesse dans son amour d'Allah et c'est ça qui va faire qu'il va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, l'amour parfait et complet d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est présent dans le cœur, il n'y a pas de péché. Et les péchés, c'est un signe de la faiblesse de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un signe de la faiblesse de notre crainte et de notre peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un signe de la faiblesse de notre espoir en ce qu'il y a auprès d'Allah. Si tu réalisais tout ce que tu vas louper des bienfaits d'Allah et de ses grâces à cause de ce péché, tu l'aurais pas fait. Donc c'est un signe de faiblesse dans les trois piliers de l'adoration. Et ce degré, il y a tellement de choses à dire par rapport à ce degré, mais en résumé, faut savoir que ce degré est un degré très élevé, c'est le degré le plus élevé de la religion. Il s'obtient avec l'endurance et la patience et la lutte continue et permanente dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah Azza wa Jalla dit. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les conduirons vers nos chemins. Allah est certes avec les bienfaiteurs. Donc, la bienfaisance, ça s'obtient avec la lutte pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les efforts dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les adorations, les différentes adorations, et la patience, et la constance dans l'adoration d'Allah, en l'adorant tout en se rappelant qu'il est proche de nous, et qu'il nous voit, et encore meilleur de l'adorer, comme si on le voyait. Allah Azza wa Jalla dit: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Donc le cœur, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala regarde du serviteur, et c'est la chose la plus importante en toi, c'est ton cœur. Comme il est dit dans le hadith, Allah ne regarde pas vos images ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Donc ce qui compte pour Allah, c'est pas ta beauté ou ta laideur, ni ta richesse, ni ta pauvreté. Ce qui compte pour Allah, c'est la pureté de ton cœur et la bonté de tes actes. Donc ça, c'est très important. La bienfaisance est en lien avec ceci. De chercher à réformer ton cœur et à réformer tes actes. Les réformer avec la sincérité et le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Et réformer ton cœur de toutes les maladies du cœur. Et en aimant le bien pour les gens. En aimant le bien pour les gens. Et en aimant leur guider. Et purifier le cœur de la jalousie et de l'enviosité et de la rancune qui n'est pas en Allah subhanahu wa ta'ala, de la haine qui n'est pas en Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'amour qui n'est pas pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit: wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Que tu parles à haute voix ou non, il sait tous les secrets et même ce qui est plus caché encore. Ça, c'est l'ihsan. L'ihsan, c'est de te rappeler ce verset et les versets dans son sens. Que tu parles à voix haute ou non, Allah, il sait tous les secrets. Et il sait même ce qui est plus caché encore. C'est pour ça, yani dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah connaît la traîtrise des yeux et il connaît ce que cachent les cœurs. Allah, il connaît la traîtrise des yeux. Salaf l'ont expliqué, la traîtrise des yeux, par le fait quand tu es avec des croyants et que tu ne veux pas montrer que tu as regardé une femme qui est passée, tu la regardes avec le coin de l'œil. Certains, comme Ibn Abbas, l'a expliqué ainsi. Allah, il connaît ça. Et dans le hadith, le prophète, alayhi salam, l'a expliqué par le clin d'œil. que le clin d'œil ne se doit pas à un prophète. Et ça, c'est parmi les choses يعني, spécifiques au prophète alayhi salatu wassalam. يعني, même ça, c'est considéré comme une forme de trahison pour le prophète, pour son degré très élevé. Même faire un clin d'œil pour dire une chose يعني, qui n'est pas يعني, en adéquation avec ce qu'il dit, laisser entendre une chose qui n'est pas la même chose que ce qu'il dit, le prophète, il ne le fait pas. Allah, il connaît la traîtrise des yeux et il connaît ce que cachent les cœurs. Donc Allah, il sait tout ce qu'il y a dans ton cœur. Ça, c'est adorer Allah avec le degré de l'ihsan. Certains parmi les salafs disaient « La taj'alillaha ahwana an-nadhirina ilayk » Allahu Akbar. Ne fais pas que Allah subhanahu wa ta'ala soit celui ayant le moins d'estime dans ton cœur. Le moins d'estime dans ton cœur. Tu te préserves de faire des péchés devant les croyants, et ça c'est une bonne chose, et c'est un signe de pudeur. Mais quand Allah te voit et les croyants ne te voient pas, tu tombes dans le péché. C'est le sens de cette parole de Salaf. Ce sens a été rapporté dans un hadith qui a été jugé par Cheikh Al-Albani comme étant faible. Certains savants yani, l'ont rapporté comme l'imam Ibn Rajab dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Istihyi min Allahi istihya'aka min rajulayn min salihi 'ashiratik. Et pudeur d'Allah subhanahu wa ta'ala comme tu l'as de deux hommes parmi les hommes vertueux de ta tribu. Imagine, tu es en présence de deux savants. Regarde comment tu vas te comporter. Et regarde les péchés dans lesquels tu vas tomber. Imagine, tu es avec Cheikh Rabi'a, un seul homme, on ne va pas dire deux hommes, un seul homme. Tu es en présence d'un grand savant comme cet homme, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. Imagine, tu es avec lui. Regarde ce que tu vas faire comme péché. Et regarde l'adab que tu vas avoir. Et l'akhlaq. Et dis tout ce que tu veux. Pourquoi on n'est pas comme ça quand Allah nous voit? Il ne faut pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit celui ayant le moins d'estime dans notre cœur. Et que des créatures ont plus d'estime dans notre cœur que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un sens très fort sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Qu'Allah fasse que tout ce que nous avons vu nous soit profitable dans le dunya et dans l'akhira, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et qu'Allah nous accorde à tous la science bénéfique et profitable et nous facilite les œuvres pieuses et acceptables. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Et je m'excuse aujourd'hui, yani, pour les questions. S'il y a une question concernant le cours, si vous pouvez la reporter à demain, inshallah, barakallahu fikum. Hafidhakumullah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.